quand tu vis de cette énergie-là, de ton énergie à toi, tu meurs bon! Tu meurs quand tu veux! Tu sacs ton camp quand tu veux! Quand t'as fini de faire ce que t'as fait. Ça, le truc de ta vie. Mais sans aller aux extrêmes de l'expérience matérielle de l'homme, et en regardant les contingences proches de notre vie de tous les jours, ça va être la même affaire. Donc ça va loin, l'autorité de vie. Mais les gens vivent à la remorque de leurs désirs. Ils ne vivent pas sous le canon de leur volonté, de leur intelligence. Votre personnalité et votre esprit doivent être ensemble, en ligne égale, comme ça. Au lieu d'avoir votre personnalité ici et votre esprit qui traîne en arrière. Je vais vous dire une autre définition de l'autorité de vie. L'autorité de vie, c'est la fusion. Quand l'homme va vers la fusion, il va vers l'autorité de vie. Puis la fusion, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui est en haut et en bas. Sans ça, l'homme vit une vie qui est séparée, qui est polarisée. Il est pris entre un plan psychologique, spirituel, évolutif, papa. Et sa vie matérielle qui subit. C'est pas une vie, ça. Tout le monde veut évoluer. J'ai jamais vu du monde qui veut évoluer autant qu'il y en a dans la province de Québec. C'est une illusion vouloir évoluer. Nos vies sont toutes programmées d'avance. Penses-tu parce que je voulais évoluer que j'ai été fusionné, moi? Nos vies sont marquées d'avance. Moi, on veut évoluer. Pendant qu'ils veulent évoluer, ils oublient. Parce qu'ils ne souffrent pas encore des énergies de transformation. Ils oublient que d'abord, sur une planète, il faut vivre créativement et en harmonie avec soi-même. Mais on est bourré de symbolisme. Vouloir évoluer, c'est symbolique. On est bourré de symbolisme. On est nourri de symbolisme, puis on lit des livres, puis on entend. On n'arrête pas de se bourrer le crâne de symbolisme. Mais comme je disais dans une cassette, le symbolisme détruit l'intelligence de l'homme. S'il y a une chose qui détruit l'intelligence de l'homme, c'est le symbolisme. C'est le début de l'ignorance spirituelle planétaire terrestre depuis le cycle adamique. Calice de symbolisme. Faut le savoir, faut le savoir. Mais on ne sait pas tant qu'on ne sait pas. Se servir du symbolisme, c'est une chose. Mais être asservi au symbolisme, c'est une autre. Non. Et on est asservi au symbolisme. On ne le réalise même pas. Il y a des gens parmi vous autres qui croient encore que ça existe, le bon Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne trouvais pas pour te renlever? Quand tu as besoin de quelque chose pour te torcher, il faut que tu donnes du papier, tu t'en sers. Le symbolisme, c'est le début, c'est la fondation de l'ignorance spirituelle. Et l'ignorance spirituelle, c'est ce qui a maintenu l'homme dans le désordre de l'intelligence. Mais le désordre de l'intelligence, on le voit aujourd'hui, dans les conflits entre les nations, dans les conflits entre les religions, dans les conflits entre les psychologies, dans les conflits entre les philosophies. La tour de Babel. toi et si un homme a besoin de symbolisme pour être conscient. C'est l'esprit qui sait tout, pas l'intellect. Quand l'intellect étudiera, puis étudiera, puis étudiera, puis lira des livres, puis lira des livres, puis lira des livres, ça le mène où, ça? Ça le mène à lire d'autres livres. Alors, comment voulez-vous que l'homme vive sur le plan matériel en autorité de vie? Comment voulez-vous que l'homme, sur le plan matériel, soit maître de lui-même d'abord? Parce qu'avant d'être maître de nature, il faut qu'il en arrive à être maître de lui-même. Maître dans lui-même, maître autour de lui-même. Plus tard, il sera maître de nature. Mais à cause des illusions spirituelles et du symbolisme spirituel, il y en a qui veulent être maître de nature tout de suite, là. On se fâche contre les écœurants en haut. Je comprends qu'on se fâche. On a raison de se fâcher. Il y a encore bien plus raison de nous en marquer. Ils ont raison en maudit de nous emmerder, eux autres, parce qu'ils nous connaissent parfaitement. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'homme et eux autres. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'homme et eux autres. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre entre l'intelligence de l'homme et eux autres. Ça veut dire que l'homme, il faut qu'il soit de plus en plus parfait dans son intelligence. Ça veut dire qu'il faut que l'homme soit capable de voir d'avance où il peut se faire enculer dans la vie. Et si l'homme n'est pas capable de voir d'avance où il peut se faire jouer un tour, c'est là qu'il se fait jouer un tour, il se servira d'une petite différence entre ce que vous voyez à cause de vos émotions et ce qu'eux savent, et vous aurez des chocs. Vous aurez de la perte. Un jour, vous comprendrez. Vous n'aurez plus de perte. Un jour, vous n'aurez plus de perte. Mais tant que vous perdez, c'est parce que vous faites des erreurs. Si vous faites des erreurs, c'est parce que vous n'êtes pas assez intelligent. Vous n'avez pas assez de discernement. Vous vous fiez trop spirituellement à la vie. Vous vous fiez trop spirituellement à la vie. Mais quand je dis que vous vous fiez trop spirituellement à la vie, je veux dire que vous vous fiez trop spirituellement à vous autres. Ils seront toujours des chiens. Jusqu'à dans les terres. Les forces seront des chiens. Jusqu'à ce que l'homme soit dans les terres. Ça veut dire que l'homme, tant qu'il sera dans la matière, sera obligé de s'ajuster, de s'ajuster, de s'ajuster, pour en arriver à être tellement fin, tellement compréhensif de leur psychologie, tellement compréhensif de ses besoins, qu'il leur donne jamais une chance. Je t'apprends à peinturer ma maison, l'autre fois, là. Là, il y a une petite crise de table, parce qu'ils te vendent des tables, là, chez Woolworths, là. Ça, tu souffles, puis ils tombent à terre, là. Là, je mets le petit galon de peinture, puis je savais que c'était instable. Tout ce qui est instable, il s'en sert. Fait que là, j'ai enlevé le galon de peinture, le petit bol de peinture, puis je l'ai mis sur une corniche, c'est solide. Peinturé, un petit peu. Puis après, il fallait que j'aille dans le garage. Fait que là, j'enlève ça de là, parce qu'il y avait un autre peintre, puis pas le mettre dans un chemin. Je le mets sur la terre, je m'envoie dans le garage. Le vent rentre dans le plastique, puis il fait tout tomber la peinture à terre. J'ai dit, mangez donc de la merde. Eux autres, ils rient. C'est le même! Puis c'est comme ça que j'apprends! Puis c'est comme ça que j'apprends! Puis je vais apprendre jusqu'à temps que je change de plan. Mais je suis rendu à un point que j'apprends tellement vite que ma vie commence à être douce. Parce que la petite crise de table, j'ai mis la hache dedans, puis elle se fait plus sur mon terrain. Mais ça nous prend du temps en enfant de chienne avant de comprendre les lois de l'énergie de la vie. On a des crises de tête de cochon et on a une maudite habitude. C'est qu'on prend des chances pour une raison, parce qu'on est paresseux. Calice. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est être paresseux. Être paresseux, c'est se fier à nous-mêmes. C'est ça être paresseux. Être paresseux, c'est se fier à nous-mêmes pour avoir la maudite volonté de changer l'affaire. Fait que j'ai été paresseux pour un instant, je m'ai fait enculer. C'est même ça marche. C'est ça la vie. C'est même ça marche. Laissez-moi vous dire que j'ai absolument raison. On prend des chances. Les assurances. T'achètes une maison, faut que tu prennes des assurances. T'es conscient, tu dis, ben je devrais pas prendre d'assurance, je sais que ma maison passera pas au feu. Dans le cul! Chris, j'en ai pris pour 150 000 piastres d'assurance. J'ai dit à ma femme, si nous jouons un cul, au moins la maison est assurée. Ça va faire, ils vont faire brûler, Chris, de maison. Il y a un éclair qui va tomber en mauvaise place. C'est le même. Mais on se rationalise, puis on se rationalise. C'est facile de raisonner. Tu as des assurances, quand tu es conscient, tu n'as pas besoin de ça. Il y a des assurances que tu peux éliminer, mais des assurances de fond contre le feu. C'est mieux de checker la guerre. Parce que si c'est pas ta maison qui brûle, ça va être l'autre du voisin, puis les flammes vont lucher ta tienne. Mais ça marche. Ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que là, qui se conscientise, un jour, n'est plus intéressé de vivre sur la matérielle. D'abord, il y a l'option de vivre sur un autre plan. Puis s'il vient ici, 5 pour une job temporaire, puis ensuite les sacs sont encore. L'homme, un jour, n'a plus à vivre sur le plan matériel. Parce que vivre sur le plan matériel, c'est une condition de transformation de l'énergie de l'homme. C'est dans l'éther que l'homme doit un jour aller. Alors, tout ce qu'on vit en attendant, c'est pour ça. Alors, tout ce qu'on vit en attendant, tout se vient de le vivre le mieux possible. Et le mieux possible, ça veut dire le mieux possible. Sans ça, la vie, c'est un enfer. Surtout avec notre sensibilité puis nos cordes de violon, c'est un enfer. Quand t'as une grosse carapace, pis t'es inconscient, pis t'as ta job, pis t'es pogné dans ta job, pis tu veux faire une belle carrière, pis tu veux sauver l'humanité, là, c'est correct, là, t'es safe. T'as le Vatican qui te sauve. Mais quand t'as plus le Vatican pour te donner un coup de main, pis t'as plus tes théories sociologiques pour t'aider, pis t'as plus ta religion pour te soutenir, quand t'as plus rien, là, tu dis qu'il faut que tu commences à penser des affaires, ça va? Comment tu penses des affaires? C'est à ce moment-là que tu deviens pas mal intelligent, puis centré, puis volontaire. C'est là que tu commences à développer ton autorité de vie petit à petit, parce que ça n'a pas de fin sur l'autorité de vie. C'est le pouvoir de l'esprit, sa matière. On prend un petit break? Quand l'homme se conscientise, ses corps subtils sont littéralement électrifiés. Et quand je dis que ces corps subtils sont électrifiés, c'est pas une métaphore. Ces corps subtils sont littéralement électrifiés. Et si l'homme vivait l'électrification de ses corps sans avoir le support des forces qui sont en lui, des forces intelligentes, l'homme ne pourrait pas vivre sur le plan matériel. Il serait obligé éventuellement de se détruire. Des gens, par exemple, qui dans la vie se suicident ou qui se détruisent d'une façon ou d'une autre, qui font des grandes crises, vivent l'électrification de leur corps subtil. Quand l'homme se conscientise et qu'il commence à comprendre les lois de son esprit, les lois de la vie, et qu'il subit probablement à un niveau plus accéléré l'électrification qu'auparavant, parce que quand on se conscientise, on commence à être électrifié. Il est à ce moment-là dans une position de force vis-à-vis cette expérience-là, c'est-à-dire que contrairement à l'homme inconscient qui serait électrifié et qui serait détruit éventuellement parce que il ne pourrait pas subir les chocs, l'homme conscient, lui, est électrifié. L'électrification peut commencer après la conscientisation ou avant, mais après la conscientisation, définitivement, elle commence. Et chez certains, elle commence plus rapidement que chez d'autres. Mais le fait qu'il commence à comprendre le jeu entre l'énergie, les forces actives en lui et son ego, ça lui permet de supporter l'électrification. Et quand un homme en arrive à supporter tellement bien l'électrification de ses corps subtils, autrement dit, quand un homme en arrive à être capable de souffrir vibratoirement, mais ne plus souffrir psychologiquement, il est très près de l'éther. Il n'a pas accès à l'éther, mais il est très près de l'éther. La raison pour l'électrification de l'homme qui se conscientise est très simple. À part du fait que l'électrification change le taux vibratoire de ses corps subtils, corps mental, émotionnel, éthique, ça permet de créer un champ de force autour du double. Vous savez, quand on meurt, ce qui se produit, c'est que le premier corps à être détruit, à être rendu, si vous voulez, à l'énergie indifférenciée, c'est le double de l'homme. Mais quand l'homme se conscientise, l'électrification créée par les chocs vibratoires crée un champ de force autour du double éthérique. Et c'est ce champ de force-là qui empêche éventuellement le double éthérique de se décomposer lorsque l'homme sort de son corps matériel, éventuellement. Et ceci est très important, non pas sur le plan philosophique, mais sur le plan de la réalité, de la mécanique des corps subtils de l'homme. Si l'homme un jour doit immortaliser sa matière, si l'homme un jour doit passer d'un plan à un autre et avec le pouvoir de revenir sur un plan inférieur à volonté, il doit être capable de conserver le corps qui est le plus rapproché de son corps matériel. Et ça, c'est le double. Alors, l'électrification que l'on connaît lorsque l'on avance vers la fusion crée ce champ de force, et c'est ce champ de force-là que l'homme, au fur et à mesure qu'il se conscientise, commence à sentir en permanence. Vous savez, j'ai déjà dit, quand on est conscient, on ne peut pas être heureux. On peut être bien dans notre peau, mais on ne peut pas être heureux. Tu ne peux pas être conscient et être heureux, parce que je disais, être heureux, c'est astral, tandis qu'être conscient ou être bien dans sa peau, c'est mental. Et pourquoi on ne peut pas être heureux quand on est conscient? Parce que, justement, on sent constamment, d'une façon très, très subliminale, très subtile, une sorte de présence d'énergie en soi. Et cette énergie fait partie de notre double éthérique, du champ de force de notre double éthérique. C'est comme si il se passe toujours en... C'est comme si on est toujours conscient de quelque chose en nous autres qui est là. Y en a-t-il qui comprennent ce que je veux dire? Avant, quand on était inconscient, on était dans notre personnalité. Puis là, c'est comme si on sort un peu de notre personnalité, puis on est dans d'autres choses. C'est plus ou moins notre personnalité, c'est plus ou moins une autre affaire qu'on ne peut pas saisir. C'est comme une énergie, on est comme baigné dans une énergie qui fait partie de notre conscience, et ainsi de suite, qui fait partie de nous autres. C'est toujours là, ça va. Ça ne lève jamais. Tu te lèves le matin, c'est là, tu te couches le soir, c'est là, dans 3 heures du matin, tu te lèves, c'est là, c'est toujours là. Et ça, cette énergie-là, quand on se conscientise, elle devient de plus en plus forte. C'est-à-dire que elle devient à la fois le champ d'énergie qu'on se sert pour utiliser notre mental. Autrement dit, plus l'homme se conscientise, plus il utilise cette force pour faire graviter vers lui l'énergie émotionnelle qu'il a de besoin et l'énergie mentale qu'il a de besoin pour s'attitrer dans la vie, autrement dit, pour se donner dans la vie ce que j'appelle l'autorité de vie. Et c'est totalement contraire à l'homme inconscient. L'homme inconscient, quand il voulait quand il avait l'illusion, si vous voulez, de vouloir faire ce qu'il voulait dans la vie, il se fâche. L'homme inconscient va se fâcher ou il va manifester une sorte de volonté qui est basée sur son pouvoir, sur son argent, sur la richesse de sa famille, sur son statut éducatif, ainsi de suite. Et cette énergie, elle provient de son corps astral. Tandis que quand l'homme est conscient, le champ de force qui entoure son double va aller chercher, s'il a besoin, de l'énergie qui est dans le corps astral. C'est ce que je fais quand je crée avec vous autres, par exemple. Là. Je vais chercher cette énergie-là, puis je l'amène, je la canalise. Ou il va aller chercher de l'énergie dans le corps mental. C'est ce que je fais avec vous autres quand je vais chercher loin, loin dans mon esprit du matériel pour expliquer certaines choses. Mais ce qui me fait aller chercher cette énergie-là, c'est le champ de force qui fait partie ou qui est autour du double éthérique. Je vous dis ceci pour vous faire reconnaître ceci. Pour vous faire reconnaître qu'un jour, l'homme, lorsqu'il sortira de son double, de son corps physique, lorsqu'il sortira de son corps matériel, il ne sortira pas de son corps matériel en esprit. Il sortira de son corps matériel en fonction de l'esprit. C'est-à-dire qu'il ira chercher dans le mental, dans l'émotionnel, dans l'astral, l'énergie dont il a de besoin pour sortir de son corps matériel. Le corps éthérique, c'est un véhicule, mais ce n'est pas une station de vie. C'est un véhicule, le corps éthérique. C'est un double qui permet à l'homme d'aller où il veut. Mais pour que l'homme puisse aller où il veut dans le cosmos, il faut qu'il puisse aller chercher en lui, dans son mental et dans son astral évolué, l'énergie nécessaire pour propulser le véhicule, pour propulser le double là où il veut. Autrement dit, l'homme demain réalisera que le double éthérique est un transport, c'est un système de transport humain dont la combustion, dont le fuel est fait d'énergie mentale et d'énergie astrale. Alors, plus un homme est mental, plus il va aller chercher une énergie puissante et plus son corps astral est libre de la pollution astrale, plus il pourra comprendre la sensation de la puissance de son mental pour pouvoir l'utiliser au niveau de son double. C'est pas comme dans le rêve. Quand vous rêvez, vous vous retrouvez sur un plan. Mais quand l'homme se servira de son double, c'est pas qu'il se retrouvera sur un plan, c'est qu'il ira chercher dans le mental et dans l'astral, l'énergie dont il aura de besoin pour pousser, pour propulser son double, autrement dit, pour permettre que son double le transporte dans le temps de l'esprit, qui est l'espace mental, de la dimension mentale, et qui est l'espace de la dimension astrale. Ceci rendra l'homme totalement libre de l'espace, lui permettra de maintenir une continuité de conscience et lui permettra aussi de comprendre les mystères et le secret des mystères de la vie, c'est-à-dire que ça lui permettra de comprendre et d'aller là où il veut dans le cosmos, sur le plan astral ou sur le plan mental supérieur, et avoir des relations avec des êtres ou des entités qui travaillent à l'évolution. Alors, quand je parle de l'autorité de vie qu'on doit développer pendant qu'on est dans la matière, cette autorité de vie n'est pas seulement pour le temps pendant lequel nous sommes dans la matière, mais cette autorité de vie est pour le temps demain où l'homme pourra sortir de sa matière. Autrement dit, pour nous, d'en arriver un jour sur le plan matériel à suffisamment contrôler les conditions de notre vie parce que nous sommes dans l'autorité de vie, ça nous prédispose à créer et à augmenter le champ d'énergie autour de notre double pour que demain nous puissions l'utiliser avec l'énergie mentale et l'énergie astrale qui auraient été développées sur le plan matériel pendant cette transformation-là. Avez-vous remarqué que quand on est dans la vie, quand on est inconscient et quand on est dans la vie et quand on est assujetti à la vie, on a un sentiment d'impuissance. Dirigez votre esprit vers la société, vous avez un sentiment d'impuissance. Dirigez votre esprit vers les conditions politiques actuelles, vous avez un sentiment d'impuissance. Dirigez votre esprit vers les conditions économiques actuelles, vous avez un sentiment d'impuissance. Que vous dirigez votre esprit dans quelque direction que ce soit, vous avez toujours un sentiment d'impuissance. Autrement dit, vous avez toujours l'impression qu'il y a une condition dans la vie humaine qui est plus forte que vous. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est comme si l'homme, là, il n'est pas capable, d'une façon absolue, de se réaliser absolument dans son corps matériel. Et ça, c'est très mauvais. Parce que c'est ça qui empêche l'homme de développer son champ de force autour du double éthérique. Et c'est ça qui force l'homme à mourir, parce que c'est ça qui force le double éthérique de se décomposer après la mort. Mais lorsque l'homme commence à se confronter en esprit mental et en esprit astral, autrement dit, quand l'homme commence à utiliser l'énergie de son mental et l'énergie de son corps astral pour composer le champ de force de son double, il s'aperçoit d'un changement en lui qui est absolu. Et ce changement crée ceci, c'est que ce changement lui fait reconnaître qu'il est en fait, une entité qui n'appartient pas à la terre matérielle. C'est ça que probablement certains parmi vous commencent à sentir un petit peu, que vous n'appartenez pas à la terre matérielle. C'est le changement dans le mental et dans l'astral qui vous donne ceci. Et qui crée le champ de force autour du double. Et c'est justement ce champ de force autour du double qui demain deviendra votre véhicule. C'est pour ça que l'homme ayant un véhicule se sent étranger à la terre. Parce que aussitôt qu'il a un véhicule, même s'il n'a pas présence parfaite du véhicule, même s'il n'a pas conscience parfaite du véhicule, le fait qu'il a véhicule, ça lui donne conscience du véhicule. Mais cette conscience du véhicule, elle est rapportée au mental, elle est rapportée à l'astral, et si elle est rapportée dans l'astral, mais dans l'astral, vous avez l'impression de pouvoir voyager dans le temps, ainsi de suite. Si elle est rapportée au mental, vous avez l'impression d'une sorte d'infinité dans l'intelligence. Et ça fait partie justement de la construction de ce double-là. Et c'est pour ça que l'homme vit une période sur le plan matériel où il n'est pas suffisamment conscient pour apprécier son état et trop conscient pour ne pas en être conscient. De sorte que l'homme vit une sorte de tristesse. Il se sent un peu comme un étranger sur une planète. Il ne fit plus. Avant, il fitait. Parce qu'avant, il n'y avait pas le champ de force autour du double. Alors, avant, n'ayant pas de champ de force autour du double, l'homme était assujetti à son astralité et à ses pensées subjectives. Tandis que maintenant, ayant un champ de force autour du double, il n'est plus assujetti à son astralité comme auparavant, et il n'est plus assujetti à ses pensées comme avant, parce que ces deux énergies ont servi à la construction du champ de force. Alors, automatiquement, l'homme se sent autre, il se sent étranger à la planète, il se sent marginal, ainsi de suite. Mais c'est pas qu'il est autre, ou qu'il est étranger à la planète, ou qu'il est marginal, c'est qu'il développe d'une façon embryonnaire, d'une façon qui lui est encore totalement instinctive, un véhicule de transport dans le temps de son esprit. C'est pour ça que quand je parle de la nécessité, du besoin chez l'homme éventuellement de reconnaître l'importance de l'autorité de vie, c'est qu'en développant sur le plan humain cette autorité de vie, il développe le double en créant un champ de force parce qu'il se sert d'une énergie mentale et d'une énergie astrale supérieurement, c'est-à-dire non pas en fonction de la société, parce que la société ne peut pas créer ça, mais en fonction d'une énergie qui entre en lui, qui est l'énergie cosmique de l'homme. Alors, l'affaire de vivre en autorité de vie, c'est important à deux plans. C'est important sur le plan humain et personnel, sur le plan matériel, et c'est important sur le plan cosmique. Mais, il faut s'occuper d'abord du plan matériel avant de s'occuper du plan cosmique. Mais, il faut réaliser qu'au fur et à mesure que les conditions sur le plan matériel se développent, les conditions sur le plan cosmique universel aussi se développent en même temps, parce que les deux se font en même temps. Et c'est pour ça que les hommes qui se conscientiseront de plus en plus en arriveront un jour à être obligés de réaliser que le seul plaisir qu'ils peuvent avoir sur le plan matériel, c'est le plaisir d'être bien dans leur peau, qu'ils soient n'importe où sur la terre. Parce que quand tu es bien dans ta peau, dans le sens que je le dis, tu te sers constamment de ton énergie mentale et de ton énergie astrale pour créer un champ de force autour de ton double éthérique. Autrement dit, être bien dans sa peau, ça veut dire ne pas être dans le mental, ne pas être dans l'astral, ça veut dire être dans l'éther, dans le champ de force éthérique. C'est pour ça qu'un homme qui est bien dans sa peau ne peut pas être heureux parce qu'il n'est pas dans l'astral. Il ne peut pas penser ou ne pas penser à être heureux parce qu'il n'a pas de pensée subjective dans le mental. Il est dans une condition d'esprit qui convient à l'équilibre de l'énergie astrale, mentale et éthérique. Et ça, c'est sa condition. Et c'est ça qui fait qu'il est bien dans la peau, dans sa peau. Être bien dans sa peau, ça veut dire ne pas souffrir mentalement et émotivement. Alors, si tu ne souffres pas mentalement et émotivement, l'énergie qui ne te fait pas souffrir, ou l'énergie dont, qui ne sert pas à te faire souffrir, elle sert à te construire. Parce qu'il y a deux phases dans le développement du double. Il y a la phase de l'électrification, où l'énergie mentale et l'énergie astrale est transférée au double. Ça, c'est l'électrification, c'est la souffrance. Et il y a la phase d'être bien dans sa peau, où il n'y a pas de souffrance, où la conscience est totalement au niveau du double. Moi, j'ai souffert un petit peu après-midi. Et quand je souffre, l'électrification permet l'énergie mentale et astrale d'aller vers le double pour développer un plus grand champ de force. Quand la souffrance cesse, que je suis bien, que je parle, je travaille, je jase, ou que je fasse quoi que ce soit, à ce moment-là, je vis au niveau de la conscience éthérique du double. Là, on est bien dans notre peau. Le mental, il est vide. L'astral, il est plein. C'est-à-dire qu'il est rempli de lui-même. C'est-à-dire que les sens sont totalement fonctionnels. Toute la partie sensorielle de l'homme, elle est fonctionnelle. Mais le support de la conscience, il est dans le double. Et c'est pour ça que l'homme ne peut pas être heureux quand il est conscient. Mais il peut être bien dans sa peau. Pourquoi je vous dis ceci? Pour vous rappeler que la condition ultime de l'évolution de l'homme ne peut pas être rationalisée par son intellect. La condition ultime de l'évolution de l'homme est fondée sur le principe de l'électrification de ses corps subtils. Tous les gens, demain, qui se conscientiseront, vivront l'électrification qui crée de la souffrance, mais cette électrification construit le double. Et de la construction du double, ils sont bien dans la matière. Lorsqu'ils sortent de la matière, ils sont dans une dimension parallèle. Alors à ce moment-là, le problème existentiel n'existe plus. C'est pour ça que c'est très important pour l'homme, sur le plan humain, sur le plan matériel, de comprendre qu'il doit un jour être en autorité de vie, afin de pouvoir contrôler le plus possible par son mental et par son énergie astrale les événements qui marquent et qui créent le contour de sa vie, pour pouvoir aligner de plus en plus ces événements-là afin qu'il puisse en retirer de plus en plus d'énergie pour la construction du double. C'est pour ça que l'homme doit souffrir. Parce que la souffrance, bon, on prend son cas, le cas de la petite madame, elle va en cours demain matin. Alors, elle fonctionne à deux niveaux. Elle fonctionne au niveau mental, elle pense à ça. Puis elle fonctionne au niveau émotionnel, l'inquiétude. Mais si elle va dans la cour demain matin et qu'elle est capable de se neutraliser au niveau du mental et de se mettre très très lousse au niveau émotif, elle va aller dans la cour demain matin et elle va parler sans tension mentale, sans tension émotive. Alors automatiquement, quand elle va parler, ses vibrations vont être créatives ou plus créatives. Et si elles sont plus créatives, ces vibrations, automatiquement, le jugement de la cour sera plus créatif en faveur d'elle. Mais si elle est toute énervée dans le mental, puis toute énervée dans l'émotionnel et qu'elle va dans la cour demain matin, ses vibrations seront moins créatives et automatiquement, le rapport entre elle et la cour sera plus négatif. C'est toujours comme ça dans la vie. Moi, il y a des gens qui viennent à moi qui disent « m'a cassé la gueule ». Ils sont réellement fâchés. Et qu'est-ce que je fais? Je les regarde dans les yeux. J'ai dit, c'est intéressant ça. Alors, si tu dis à un gars qui veut te casser la gueule, c'est intéressant. Mais c'est dur de casser la gueule à quelqu'un qui te dit, c'est intéressant ça. Mais là, si tu commences à l'engueuler, c'est évident que... Mais si tu lui souris, ou si tu lui dis d'une façon candide, c'est intéressant ça. Ou pourquoi tu veux me casser? Pourquoi tu voudrais me casser la gueule? À ce moment-là, automatiquement, tu changes la vibration de l'homme. Et c'est toujours comme ça dans la vie. Si on était capable, c'est ça que j'appelle manipuler l'énergie. Si les hommes étaient capables de manipuler l'énergie des hommes, les hommes ne seraient jamais affectés par l'énergie des hommes et ils pourraient éventuellement retourner cette énergie en faveur de leur relation. Tous les gens qui ont voulu me casser la gueule sont aujourd'hui mes meilleurs amis. Ce ne sont pas les gens qui m'aiment qui sont mes meilleurs amis, ce sont ceux qui ont voulu me casser la gueule. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ont cessé de vouloir me casser la gueule et qu'ils ont vu un peu que je ne suis pas ce qu'ils pensaient, automatiquement, la force qu'ils avaient pour me casser la gueule devient une force qu'ils ont maintenant pour m'aimer et travailler avec moi. C'est comme ça. Alors, j'ai beaucoup plus d'échanges. Se faire aimer par quelqu'un qui t'aime facilement, c'est une chose, mais se faire aimer par quelqu'un qui t'haït d'abord, c'est une autre. Mais on n'est pas habitué à transférer l'énergie du plan mental au plan astral, au plan éthérique, quand on souffre. On y fait interférence tout de suite. S'il se produit quelque chose dans notre vie, on réagit au niveau mental ou au niveau émotionnel. On n'est pas capable de transférer l'énergie d'un plan à l'autre jusqu'à temps qu'il crée le champ de force au niveau du corps éthérique. Parce qu'on n'est pas suffisamment conscient de l'importance de la souffrance. Parce que pour être conscient de l'importance de la souffrance, il faut être suffisamment conscient de la présence, de la force, de l'esprit en nous qui travaille. Si on est conscient de la force de l'esprit en nous qui travaille, à ce moment-là, c'est plus facile pour nous de subir cette force et de faire passer l'énergie d'un plan à un autre. Mais si on n'est pas conscient de cette... on n'est pas suffisamment conscient de cet esprit en nous qui travaille, à ce moment-là, on a l'impression qu'on se fait simplement enculer pour être enculé. Et on ne se fait pas enculer simplement pour être enculé. On se fait jouer des tours pour devenir plus intelligent, pour devenir plus volontaire. C'est la seule raison pour laquelle on se fait jouer des tours. Il y a des gens qui ont l'impression que les forces se jouent de l'homme. Les forces ne se jouent pas de l'homme. Les forces sont cosmiques et parfaites. Alors, les forces ne se jouent pas de l'homme. C'est l'homme qui pense que les forces se jouent de lui. Les forces font un travail très précieux sur l'homme, chez l'homme, jusqu'à temps que le travail soit fini, achevé. Mais l'homme, lui, a l'impression que les forces se jouent de lui. Les forces créatives se jouent de lui. Et les forces créatives ne se jouent pas de lui parce que ces forces sont prépersonnelles. Ce sont des forces de lumière. Ce sont des forces absolument parfaites. Ce sont des forces qui ne font pas d'erreur. Ce sont des forces qui sont en dehors de la dualité humaine, qui sont au-dessus de l'homme et qui font partie de l'homme. Ce sont les forces de l'homme. Ce sont les forces dans l'homme. Ce sont les forces qui doivent descendre du plan mental au plan astral, au plan intellectuel. Nous ne réalisons pas, nous autres, les hommes, jusqu'à quel point nous sommes naïfs. Nous ne réalisons pas jusqu'à quel point nous sommes totalement ignorants. Nous avons l'impression d'être intelligents ou d'être partiellement intelligents ou d'être un petit peu intelligents. Mais nous ne réalisons pas que les forces, un jour, doivent être égalisées en nous pour que nous soyons égaux à elles. Et pour que ceci se fasse, il faut que notre intelligence, que notre naïveté diminue pour que notre intelligence grandisse. Et les chocs sont pour ceci. À ce moment-là, au bout de cette route, nous avons l'autorité de vie parce que nous avons le droit, la capacité de contrôler les événements de vie pour notre propre bien personnel qui devient automatiquement un bien universel parce qu'il n'est pas égocentrique. Mais pour que nous puissions faire ceci, il faut que nous soyons capables de prendre sur nous la responsabilité de nos actions à 100%. Et quand je dis que nous devons prendre sur nous la responsabilité de nos actions à 100%, je veux dire que nous devons être capables à 100% de corriger tout ce qui, dans la vie, ne fait pas de notre affaire, personnellement. C'est subtil, parce que c'est pas ça que je veux dire, ce que je vous dis. Ce que je veux dire, c'est que nous devons être capables de corriger dans la vie les imperfections qui sont près de nous, mais qui n'affectent pas le social, qui n'affectent pas la collectivité. Sans ça, nous deviendrions automatiquement des acharnés à vouloir faire évoluer le monde. Mais nous devons corriger toutes les imperfections, toutes les interférences qui, dans un cercle autour de soi, affectent notre vie interne, personnelle, mentale, émotive et vitale. Et ça, c'est le droit de l'homme. S'il se refuse à corriger une situation, c'est par intelligence. S'il veut corriger une situation, c'est encore par intelligence. Alors, d'un côté ou d'un autre, c'est toujours par intelligence. Mais l'homme n'a pas suffisamment de sens véritable de sa responsabilité envers lui-même pour pouvoir corriger toutes les interférences qui viennent dans son cercle de vie personnel. Parce que l'homme n'a pas suffisamment de discernement pour savoir s'il fait telle chose, ça va être bon pour lui. Parce que l'homme s'occupe toujours de ce que ça va faire à l'autre. Et ça, c'est la grande erreur de l'homme. Et ça, c'est très subtil. Et même ça, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Parce qu'on a toujours tendance à interpréter les mots. Et ce n'est pas au niveau du mot que je parle, c'est au niveau de la vibration. Moi, si je décide dans ma vie de garder, de maintenir ou de permettre qu'une interférence demeure, je le fais avec l'intelligence que ça me sert. De la même façon, si j'élimine une interférence dans ma vie, ça me sert. Alors, l'intelligence, elle est toujours là pour prendre la responsabilité d'un côté ou d'un autre de l'action.